Lettre 21 des Lettres persanes, tome 1er de Montesquieu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Lettre 21. Usbek au premier eunuque blanc. Vous devez trembler à l'ouverture de cette lettre, ou plutôt vous le deviez lorsque vous souffrîtes la perfidie de Nadir. Vous qui, dans une vieillesse froide et languissante, ne pouvez sans crime lever les yeux sur les redoutables objets de mon amour, vous à qui il n'est jamais permis de mettre un pied sacrilège sur la porte du lieu terrible qui les dérobe à tous les regards, vous souffrez que ceux dont la conduite vous est confiée ait fait ce que vous n'auriez pas la témérité de faire, et vous n'apercevez pas la foudre toute prête à tomber sur eux et sur vous ? Et qui êtes-vous que de vils instruments que je puis briser à ma fantaisie, qui n'existez qu'autant que vous savez obéir, qui n'êtes dans le monde que pour vivre sous mes lois ou pour mourir dès que je l'ordonne, qui ne respirez qu'autant que mon bonheur, mon amour, ma jalousie même, ont besoin de votre bassesse, et enfin, qui ne pouvez avoir d'autre partage que la soumission, d'autre âme que mes volontés, d'autre espérance que ma félicité. Je sais que quelques-unes de mes femmes souffrent impatiemment les lois austères du devoir, que la présence continuelle d'un eunuque noir les ennuie, qu'elles sont fatiguées de ces objets affreux qui leur sont donnés pour les ramener à leur époux. Je le sais. Mais vous, qui vous prêtez à ce désordre, vous serez puni d'une manière à faire trembler tout ce qui abuse de ma confiance. Je jure par tous les prophètes du ciel et par Ali le plus grand de tous, que, si vous vous écartez de votre devoir, je regarderai votre vie comme celle des insectes que je trouve sous mes pieds. À Smyrne, le 12 de la lune de Zilkadé, 1711. Fin de la lettre 21.